Chapitre 6e. Le printemps était passé comme une bombe jetée. Fin avril. Ce printemps était passé comme une bombe qu'on aurait jetée. La chaleur pouvait arriver, brutaliser les arbres, les feuilles vertes, tordre les racines, jeter ses ombres immobiles. Les affaires avaient doucement repris. Le mari repartait travailler heureux, chemise lisse et tendue comme les premières feuilles. Avec la chaleur, les araignées pullulent. Elles dessinent des toiles brillantes à toutes les fenêtres. Des insectes timides, aux ailes transparentes et vertes, rayent l'air tiède. Le chat les suit du regard. Le chat ne restait aux côtés de Paul qu'avec une sorte de lassitude agacée. À nouveau il dormait avec moi, patte blanche dans la paume de ma main. Sa robe sentait l'herbe fraîche, le vent, l'odeur un peu vinaigrée du géranium. Mon souffle découvrait sa peau blanche de félin. À 10 mois, Paul n'a pas encore de dents, seulement une empreinte carrée rouge sur le fond de ses gencives. Dans l'herbe, je dispose des biscuits luisants. Paul esquisse alors un drôle de geste de préhension. Le mouvement part d'un seul tenant de sa poitrine, son épaule, pour aller se prolonger jusqu'aux ongles. Il attrape un morceau doré, le secoue vigoureusement. Le biscuit s'émiette, se répand en taches jaunes que le chat flaire, mais dédaigne. Chaque morceau est porté, main comprise, dans une bouche grande ouverte, sucée, noyée de salive transparente. Ce qu'il en reste passe de la main droite à la main gauche pour être enfin lancé à la tête du chat. Paul est gourmand, très gourmand. J'ignorais qu'à cet âge on pouvait aimer autant le chocolat. Dans l'herbe, je dispose un ours en guimauve, l'une de ses confiseries élastiques, sans cou, ni cheville, ni poignet, membres soudés au corps, un peu comme le corps de Paul. Celui-ci a déjà compris la tache brune sur le verre. Paul se balance d'avant en arrière, secouant ses mains au bout du poignet, tel un papillon battant des ailes. Seconde expérience. Je place la guimauve hors d'atteinte. Paul incline davantage son torse en avant, prenant appui sur ses mains. Je vois son dos tendu, les pressions de sa grenouillère qui remontent derrière en culotte. Il grogne, se penche tant qu'il prend appui sur ses jambes dodues et se retrouve à quatre pattes. Le chat ne s'y trompe pas, il s'enfuit. Paul en a oublié la guimauve et continue de se balancer à quatre pattes. À son grand désarroi, il se met à reculer. Trop de choses à la fois. Du verre apparaît dans ses yeux. La mer arrive. Les taupes dressent des mottes noires sur la terre brune. Les fourmilières, d'autres tas plus petits. Là-bas, les poissons verts gonflent la mer. Les morts devenus noirs tendent la terre. Une fourmi attrape une brindille immense au regard de sa petite tête. Elle hésite, tourne à droite, à gauche, puis l'emporte, victorieuse. À la télé, des hommes pillent un entrepôt portant sur leurs épaules des rouleaux de moquette bien plus longs qu'eux. Entre ses jambes écartées, Paul creusait petit à petit un trou dans lequel il puisait avec entrain afin de goûter la consistance de la terre. Puis il leva un bras rond vers le ciel et s'adressa au feuillage dans un bavardage compliqué. « Da, da, da !» Il ouvrit un à un les doigts. La terre tomba en poudre sur ses cheveux, dans son cou, ce qui le pétrifia, en extase. On découvrit des charniers datant du régime de Saddam Hussein. Et le chat ronronna de plus belle. Une araignée avançait sur l'herbe en tâtonnant, un peu affolée, cherchant son chemin une patte après l'autre. Je la soulevai doucement. Elle laissa filer de sa toile douce, collante, sur mon pied nu. Elle reprit son chemin, perdue cette fois, deux pattes avant tendues. Elle ressemblait un peu à Paul lorsqu'il avançait à quatre pattes, jambes arrière encore pataudes, bras tendus à la rencontre des obstacles. Quelque chose de tendre et perdu. Je me rends compte que plus je décris les progrès de Paul, plus je me rapproche du cadavre. Comme les sépales à présent vides de leurs pétales, les bourgeons de leurs feuilles. La maternité a ceci de lucide et déroutant qu'elle permet de constater, rose sur rose, la brièveté de son existence. Moi qui ai mis au monde cet être rond, lisse, je ne suis qu'une écale, une vieille écorce, tout juste bonne à jeter. Chaque progrès de Paul, se tenir assis, attraper, marcher, me pousse chaque jour un peu plus vers ma propre fosse. Plus les pieds de Paul ressemblent à des berlingots perdus dans l'herbe, plus vite je mourrai. Et plus j'écris sur Paul, plus je me sens éphémère. Plus j'ai besoin d'écrire. Le printemps, ses bourgeons écailles serrées, vertes comme les chars, me font le même effet. Dans ce récit, celui qui n'a aucune conséquence, ni sur ma mort ni sur mon écriture, reste le mari aux épaisses chemises. C'est en rassemblant toutes les descriptions que je me suis aperçu de mon immobilité. Quand tous deux communiquent avec leur corps entier, moi je ne sais qu'agiter un peu les mains ou la bouche dans le visage, pétrifié comme le chêne là-bas. Entre le moment où Paul fait « da » et celui où le chat comprend ce « da », s'écoule un temps qui n'en est pas un. Pourtant, je demeure incapable de chiffrer la scène en secondes, minutes ou heures. Voilà pourquoi le printemps rythme les scènes. Mais le plus intéressant, c'est de réaliser à quel point je manque de mots. Les gestes de Paul et du chat ne correspondent à rien de ce que je connais. Paul possède des mouvements de pieds très particuliers que je n'ai vus nulle part. Soudain, même la jambe par un simple pli rosé, ses orteils décrivent d'étonnantes arabesques. Obéissant bien mieux que les nôtres, il s'ouvre, se ferme en tentacule d'anémone de mer. Le chat, lui, est capable de ronronner de dizaines de façons différentes, de cette façon bizarre à l'adresse de Paul, avec en fin de souffle une sorte de sifflement forcé. Et moi, je ne dispose que d'un seul verbe, ronronner, de quelques pauvres adverbes se ressemblant tous, faiblement, fortement, joyeusement, qui ne correspondent pas à ce que je veux dire. Quant aux yeux du chat, je déclare forfait. Trop de paramètres pour les décrire. Leur couleur passe tour à tour du jade à l'or vieilli. Les prunelles du croissant fin auront de pleine lune. Le langage de Paul, lui, se décline en un camaïeu de bleu, et les mots me manquent pour le transcrire. Oui, la fragilité de Paul est inversement proportionnelle à la qualité de son regard. Toute frustration se lit parfaitement dans ses yeux. Combien de mots pour décrire l'éclat outré de son regard, ce blanc qui diminue? Combien pour cette pointe de jaune verdissant soudain l'iris? Les désirs de Paul flottent, furtifs, fugaces dans son regard, modifiant les rayons bleutés, hachurant son iris. Pour leur éclat, je peux bien choisir un bleu minéral, ardoise, turquoise, lapis-lazuli joli. Pour leur transparence, taper dans un bleu végétal, gentiane, pervenche, myosotis. Pour leur intensité, m'incliner vers l'art, Klee, Chagall, bleu Matisse, Picasso. Ridicule, peut-être, au regard d'une si petite surface. Ils ne servent à rien, tous ces mots, ne donnent aucune idée de l'intensité, du reflet, de la mouvance, de la transparence ou de l'éclat des yeux de Paul. À rien du tout. Bleu petit bateau, bleu de la Vierge Marie. Le rouge n'est pas si loin du bleu. Le rouge d'un cauchemar n'est qu'un rêve bleuté qui s'est asphyxié. Bleu cathodique. Les images continuaient dans la cuisine avec les fumées bleutées qui se développaient lentement comme le souffle de la ville à l'agonie. Sans transition, passa à l'écran un reportage sur les fonds sous-marins. Cellule après cellule, le corail construisait un mur de chagrin. Vivant, le homard était, lui, au fond des eaux, un beau bleu nocturne, jusqu'à ce qu'il soit plongé, vivant, dans l'eau bouillante. Jusqu'à ce qu'il soit déposé, rouge, dans une assiette, bleu de Sèvres. Et s'enchaînent les informations bleutées, partout sous la fumée bleuâtre, les pansements tachés du rouge des soldats. Combien de mots pour décrire leurs blessures, tout le sang perdu? Combien de plaies désinfectées, bandées, suturées, de peau couturée? Combien de compresses tachées de rouge? Combien de mots pour ces visages tordus, déformés par la souffrance? Non, je n'en aurai jamais assez, jamais.